Monsieur Guillermo Guy. Allez Guillermo. Ça va les amigos? Oui. Petit conseil série ce matin, conseil série. Ça vaut la peine, non? Il y a plus ou moins 13 Français sur 14 qui sont en quarantaine. Là, pour je suis plus utile avec mon conseil série qu'en faisant « Il m'est arrivé une péripétie, panne d'essence en plein Melun, je tombe sur un routier, il me dit bonsoir, il était 14. » Bon, conseil série, Euphoria. Euphoria, c'est quoi? Oui, la vous série. Vous avez vu Euphoria, quand même, formidable. Série, saison 2 vient de démarrer, putain, c'est tellement bien. Alors pour mesurer le succès planétaire du truc, je vais vous donner quelques chiffres. Putain, je suis passé à 2, côté. 6, ouais. 9... Ouais, flemme de trouver les vrais chiffres, honnêtement. Ceci dit, 2, 6, 9, tu peux les tenter à leur million aussi, tu vois. Et hop, un autre truc que j'apporte à l'auditeur en quarantaine, un conseil série, une aisance financière. Voilà, vous me remercierez quand vous aurez tous acheté vos magimix. Classe. Alors, de quoi ça parle Euphoria? Ça parle d'adolescence, ça parle de rêve, ça parle d'identité, d'addiction, de sexe, de réseaux sociaux, mais aussi des nouvelles technologies dans le milieu de la prothèse de hanche. Alors, il y a un boom dans l'ergonomie, c'est souplesse, c'est fermeté. C'est pas vrai, mais j'essaie de garder nos auditeurs, tu vois, parce que je les ai perdus à adolescence. Tu vois, pour eux, je comprends, nos auditeurs, adolescence, c'est les Allemands, tu vois, c'est le rationnement, c'est... ils veulent pas se replonger dans l'époque. Quoi. Donc, d'autant que c'est pas la première fois. Genre, lundi, j'étais dans mon lit, j'écoutais France Inter. Je sais que je suis pas obligé d'écouter France Inter, non, mais c'est vrai. J'ai toujours l'impression que si j'écoute Europe 1 ou Énergie, je vais voir arriver Laurence Bloch à la fenêtre de ma chambre, mon Harry Potter. Et même faire, non, non, non, en frappant sur la vitre avec ses vœux, je sais que je vais faire v'là les cauchemars. Du coup, je reste corporate et lundi dans la matinale, j'entends Mathilde Serrel consacrer sa chronique à Euphoria. Et c'est toujours agréable d'entendre dire du bien d'un truc que toi t'adores. Tu vois, Daniel, il a ça avec Zemmour quand il parle de Pétain. Mais Daniel, il m'avait dit, ça me fait un bien. C'est vrai, parce que Zemmour, pour Daniel, Pétain, c'est pas qu'un modèle, c'est la mif, tu vois. Vraiment. Mais... Mathilde Serrel, elle parlait de la bande-son d'Euphoria qui est dingo, quoi. De fait, tu sens qu'ils ont eu tous les droits de toutes les chansons qu'ils voulaient, quoi. Dans les fictions françaises, c'est pas pareil, quoi. Ouais, les scénaristes, ils disent, pour illustrer cette scène, ce serait trop bien d'avoir tout oublié d'Angèle. Et au final, dans le film, il y a le Yuki de Richard Gauthier. C'est moins cher que le réel qui fait, on a rajouté un Jack Russell, un post-prod. Généralement, l'esthétique, elle est maboule dans Euphoria. C'est entièrement filmé sur pellicule, quoi. Et c'est pas facile de filmer sur pellicule. C'est tout petit, une pellicule. Il faut que la personne qui a les cheveux sales accepte qu'on la gratte. En dessous, tu peux pas mettre n'importe quel. Pourquoi cette blague? C'est parce que j'ai trouvé que la précédente était vraiment marrante et je voulais pas rester sur mon petit nuage. Vraiment, j'avais envie. J'ai un rapport très complexe avec qui je suis. C'est l'une des thématiques d'ailleurs traitées par Euphoria. C'est la quête de soi avec des ados qui se droguent pas mal. Et ça, forcément. Ça me parle, bah oui. Évidemment. Moi, j'avoue que la drogue adolescent, je connaissais pas. J'ai découvert ça bien plus tard dans une émission de radio à laquelle je participais. Avec la co-présentatrice qui me disait sans arrêt, faut que tu t'essayes! C'est vrai qu'avant Leïla, j'avais une mauvaise image du crack. Mais alors qu'en fait, il faut pas le fumer, il faut juste le sniffer sur un Doritos. Leïla, c'est comme chez Darty, c'est important d'être conseillé par un professionnel. Et c'est vrai que ça se drogue beaucoup dans Euphoria. Ça fait beaucoup la fête aussi, tu vois. By the way, c'est un truc qui m'a toujours flashé dans la fiction américaine, c'est la fête chez les jeunes. Ça a toujours l'air ouf. Ils sont dans des énormes baraques, musique à fond. Trois mecs torse nu qui boivent un fût de bière via un tuyau. Avec tout le monde qui fait bois, bois, bois tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui cherche les toilettes à l'étage. Il ouvre une porte, ça ken. Tout le temps, ça ken derrière toutes les portes. C'est un calendrier de la viande, de l'avant de la ken. De la viande, de la viande. Un calendrier de la viande. C'est très bonne. Mais non. Mon adolescence, c'était pas ça. Mon adolescence, la fête, c'est quand on pouvait regarder Ardisson jusqu'au blind test. Ça, c'était la fête. Moi, j'arrivais à l'école lundi matin, je faisais. Et là, il dit Monsieur Filippo Corti avec un accent. J'étais le roi de la récré. Tu faisais Euphoria dans mon école. Il y avait pas deux saisons. Je te le dis franchement. Générique, on se fait chier quand même. Enfin, voilà, tout c'était réglé. Mais ce qui est vraiment génial dans Euphoria, c'est la subtilité du propos sur la génération Z, quoi. Ça parle d'une génération hyper complexe que tout le monde bâche tout le temps en permanence. Yo putain, ils sont accros aux réseaux sociaux. Ah ouais, nous pas. Genre, va voir l'insta de Nagui, tu vois. Moi, j'ai essayé de scroller tout son profil, je me suis fait une fibrose du pouce. Vraiment, tu vois. En vrai, toute notre vie, on est des ados, quoi. C'est pour ça que c'est universel, Euphoria. Tu vois, moi, depuis que j'ai 17 ans, j'ai l'impression d'avoir 17 ans. Juste moins de boutons, merci le papier Emery, et moins d'espoir, quoi. Tu vois, à 17 ans, t'es tourmenté, mais il te reste d'espoir. C'est pour ça qu'on est tous jaloux d'eux, en fait. C'est ça le truc, en fait. Je pourrais développer une théorie de. Flemme. Non. Allez, non, bonne émission. Merci, Guillermo. Bravo, Guy.